Chapitre 47e. Comment les choses s'arrangèrent au presbytère. Quand Florence reçut à Stratton la lettre de Harry qui lui annonçait la mort des deux Clavering, toute la famille fut naturellement dans un grand émoi. Le père et la mère Burton étaient à peine revenus à des sentiments pour Harry, et pendant quelques semaines, Mrs. Burton avait été presque sublime dans sa colère contre lui. Qu'un homme pût traiter sa fille comme Harry avait été sur le point de le faire, lui paraissait monstrueux. Sans l'opposition de son mari, qui regardait ce voyage comme une dépense inutile, elle serait partie pour Londres et pour dire à Harry ce qu'elle pensait de lui. Plus tard, elle se convainquit qu'il était redevenu une divinité, que les Burton devaient s'estimer trop heureux de le recevoir sous leur toit. À leurs yeux, il n'en restait pas moins une divinité sans rayon et avec un revenu si mince qu'il leur paraissait difficile qu'il pût tenir son rang. Faudrait-il que les vieux Burton se missent à contribution pour accroître son revenu et lui permettre d'entrer en ménage? Quant à le faire attendre, l'expérience avait montré combien la chose était dangereuse. Mais depuis les dernières nouvelles, leur dieu était désormais classé dans l'Olympe. C'était désormais le fils unique d'un homme riche et un futur baronnet. Il annonçait qu'il voulait se marier tout de suite et que son père lui ferait un abondant revenu. Cet empressement pour le mariage alla au cœur de Mrs. Burton, qui rendit à Harry toutes ses affections. « Je crois, ajouta-t-elle, qu'il aimera autant que personne son foyer domestique quand il sera une fois établi. Il ne faudrait pas trop blâmer cette vieille dame parce qu'elle se sentit un peu fière à la pensée du bonheur et du rang réservé à sa fille. Pour elle-même, elle n'avait jamais rien souhaité. Pour ses filles, elle avait désiré des maris laborieux et bons, craignant Dieu et s'occupant de leurs affaires. Elle avait formé les mêmes souhaits pour Florence quand Harry était venu demander sa main. Puis, était arrivé ce terrible accident suivi de ce dénouement fortuné. Sa fille allait être Lady Clavering. Comment n'en serait-elle pas fière? Elle ne vivrait pas assez longtemps pour le voir, mais cette pensée charmerait ses derniers jours. Florence avait toujours été considérée comme la fleur de son troupeau. Elle allait, comme elle le méritait, être élevée en dignité. Après la lettre de Harry, il en vint une de Mrs. Clavering priant Florence de se rendre au presbytère. Le départ de Florence fut aussitôt décidé. « Vous devriez écrire à Milady tout de suite, » dit Mrs. Burton, songeant au nouveau titre de la femme du recteur. Mais Florence crut mieux faire adresser sa lettre à Mrs. Clavering. Il ne lui convenait pas de faire trop attention au rang de la famille où elle allait entrer. « Vous n'oublierez pas votre vieille mère, maintenant que vous allez être grande dame, » lui dit Mrs. Burton. « Vous plaisantez, ma mère. Je ne serai pas grande dame, et vous savez bien que je ne vous oublierai pas. » Florence trouva toute la famille heureuse et calme au presbytère. Mrs. Fielding y était encore, et son mari devait arriver le lundi suivant. Quant à Fanny, Florence put voir tout de suite qu'elle était radieuse. M. Saul n'était pas présent, et à vrai dire, il ne savait rien de la bonne fortune qui l'attendait. Harry, en prenant Florence dans ses bras, lui dit « J'espère que ce sera dans 3 semaines à partir d'aujourd'hui. » « Oh non, Harry, non. Pourquoi non? C'est là le désir de ma mère. » « Dans 3 semaines, ce n'est pas possible. Personne à Stratton ne s'y attend si tôt. »« On est bien lent à Stratton. » »« Et l'on est si prompt en Clavering. Mais dites-moi, où irons-nous demeurer ?»« Nous ferions d'abord un voyage sur le continent. Cela prendra tout l'hiver et peut-être le printemps. Pourquoi pas? Si nous revenons pour la saison de la chasse l'année prochaine, ce sera bien assez tôt et alors nous reviendrons ici. Nous pouvons rester en attendant avec nos parents et puis nous verrons. » Ensuite, Harry entra dans les détails du voyage qu'il avait projeté. On passerait 15 jours à Paris, puis on passerait les Alpes avant les grands froids. On restera 1 mois à Florence, puis on irait à Rome. Ce serait délicieux. Elle ne fit à cela qu'une objection. Il vaudrait mieux attendre l'année prochaine. « Attendre la fin du monde, dit Harry, n'est-ce pas? Nous sommes au mois d'octobre, il n'y a pas un moment à perdre. Mais je n'ai au monde que cette robe et quelques autres toutes pareilles. Eh bien, ce sera dans 1 mois, au lieu de 3 semaines. » Nous ne ferons que traverser Paris et nous y reviendrons en mai. Cela vous va-t-il? Mais Florence ne put se résoudre à rien sans que Mrs. Clavering l'eût persuadée. Ma chère, lui dit-elle, il y a bien assez longtemps que vous êtes engagés l'un à l'autre, vous et Harry. À quoi bon attendre davantage? Harry, voyez-vous, est si vif, si impétueux et si... Vous me comprenez? Que plus tôt il sera marié, mieux cela vaudra. Cet empressement ne peut que vous flatter, ma chère. Sans doute il me flatte. « Eh bien, répondez-y. Croyez-moi, il vaut mieux ne pas attendre. Écrivez à votre mère, répétez-lui tout ce que je vous dis, et je suis sûr qu'elle sera d'accord avec moi. et nous pouvons commencer dès à présent à nous occuper de votre trousseau. On fait vite ces choses-là aujourd'hui. » Florence, voyant que Mrs. Clavering était contre elle, donna son consentement, quitte à le faire ratifier à Stratton. Cette ratification ne se fit pas attendre, et bientôt Florence se vit au milieu des préparatifs qu'on faisait pour un événement que 3 semaines auparavant elle avait cru à jamais impossible. Le lendemain de son arrivée, Fanny lui fit part de la décision prise relativement à M. Saul, mais elle ne parla pas d'elle-même. « Il y a si longtemps, dit-elle, qu'il est dans la paroisse, et il en connaît si bien les habitants. J'en suis enchantée, dit Florence. C'est bien ce que mon père a de mieux à faire, toujours dans le cas où il renoncerait à ses fonctions. Je croyais, dit Florence, qu'il ne pouvait rester clerc du manne en devenant baronnet, aussi. » Et Fanny, très versée en ces matières, lui expliqua ce qu'il en était. S'il était père du royaume, il pouvait rester recteur. Beaucoup de baronnets le sont, et d'autres sont des servants. Papa résignera probablement ses fonctions, mais il prêchera quelquefois si M. Saul le lui permet, car le recteur seul a le droit de céder sa chair à qui il veut. L'évêque a le droit de prêcher 3 fois par an. Et, dit Florence, s'il voulait prêcher 4 fois, il ne le pourrait pas. Mais vous le voyez, il n'y tient guère, et il se soucie peu de prêcher dans un endroit comme le nôtre. « Et M. Saul habitera-t-il le presbytère ?»« Il habitera un jour, je l'espère, » dit Fanny rougissant. « Et vous, ma chère ?»« Je n'en sais rien. »« Allons, Fanny, expliquez-vous. »« Si je le savais, je vous le dirais. »« M. Saul m'a demandé. »« Je ne voulais pas cacher. »« Non. » »« Il a renouvelé sa demande. » »« Puis est survenue une querelle entre lui et mon père. » »« Il ne voulait plus se parler dans la sacristie. » »« Ce n'était pas qu'ils ne s'estimassent beaucoup mutuellement, mais ils ne pouvaient pas songer à se marier avec son traitement de vicaire. Il fallait qu'il fût un peu fou. Mais vous ne le croyez pas si fou, maintenant? Il ne sait encore rien. Il n'a pas reparu dans la maison, et mon père ne lui a pas dit une parole aimable avant la nouvelle de la mort du pauvre Sir Hughes. À cette occasion, il vint trouver mon père, qui lui donna une poignée de main. Mais il croit encore qu'il lui faudra s'en aller. Et quand est-ce qu'on va l'informer de tout? C'est là la difficulté. « Maman s'en chargera, mais je ne sais comment elle va s'y prendre. »« Mrs. Clavering saura bien quoi lui dire. »« Que doit-elle donc lui dire ?»« Eh bien, Fanny, vous devez le savoir mieux que moi. Je suppose que vous l'aimez. »« Je ne le lui ai jamais dit. »« Mais vous le lui direz. C'est difficile. »« Il faudra que maman s'en charge. »« Et puis, s'il venait à dire qu'il ne veut pas de moi, ce serait embarrassant. »« Il le dirait à coup sûr, si c'était là sa pensée. »« La perspective du bénéfice ne l'influencerait en rien. » Mais cela ne saurait changer les sentiments qu'il avait auparavant. Je l'ignore. En tout cas, maman doit le voir demain. Et après cette entrevue, je suppose qu'il viendra au presbytère comme il le faisait auparavant. Vous devez être bien heureuse, dit Florence en la baisant au front. Fanny s'en défendit et, à vrai dire, il n'était pas impossible qu'un homme aussi étrange que M. Saul changeât soudain de sentiment. Une grande épreuve était réservée à Florence. Elle dut se rendre au château pour y voir les 2 grandes dames, les 2 veuves, qui étaient encore à Clavering Park quand elle arriva. C'était tout récemment que Harry lui-même avait vu Lady Ongar. Il avait hésité longtemps à faire cette visite, mais il en devait une à Lady Clavering qu'il n'avait pas vue depuis la perte qu'elle avait faite. Peut-être aussi, se dit-il, était-il bon de revoir Julie pour lui montrer qu'il pouvait l'aborder sans laisser paraître aucune émotion particulière. Il trouva les 2 sœurs ensemble. Lady Clavering était si abîmée dans sa douleur qu'il lui fut à peine possible d'exprimer la sympathie qu'il éprouvait pour elle. Lady Ongar, en présence de sa sœur, causa avec Harry sans embarras et comme s'il ne s'était jamais rien passé entre eux. « Harry, lui dit-elle, quand il se leva pour partir, vous prierez Miss Burton de venir me voir. Je sais qu'elle doit venir au presbytère. Vous lui expliquerez que je serais allé la voir sans la triste position d'Hermione. Vous lui direz cela, n'est-ce pas, Harry ?» Harry, rougissant jusqu'au blanc des yeux, répondit que Florence n'aurait pas besoin d'explication et qu'elle viendrait certainement. « Je désire beaucoup la voir, » reprit-elle, « et si je manque cette occasion, je risque de ne pas en avoir d'autres plus tard. » 8 jours après, Florence se rendit au château avec Mrs. Clavering et Fanny, et ce ne fut pas sans trembler à l'approche de cette épreuve. Elle allait voir sa grande rivale, qui avait failli lui être préférée, qui même lui avait été préférée pendant quelque temps, et qui, par la beauté et la richesse, lui était tellement supérieure. Cette femme qu'elle allait voir avait eu le premier amour de l'homme qu'elle regardait désormais comme lui appartenant. Elle aurait même été sa femme si elle lui fût restée fidèle. Était-elle vraiment aussi belle qu'on le disait? Florence eût souhaité de tout son cœur être dispensée d'une pareille entrevue. Les deux veuves étaient ensemble dans le petit salon. Florence était si troublée qu'elle put à peine parler à Lady Clavering ou regarder Lady Ongar. Toutes deux lui serrèrent la main sans qu'elle eût le temps de s'en apercevoir. Ce fut Julie qui, la première, adressa quelques mots à Mrs. Clavering, pendant que Fanny s'asseyait à côté d'Hermione. Florence s'assit à une petite distance d'elle et fut quelque temps sans qu'on la remarquât. Elle en fut enchantée, et cela lui permit de jeter les yeux sur la femme qu'elle craignait de regarder et que pourtant elle désirait voir. Lady Clavering, dans son costume de veuve, était laide et grotesque. Il n'y avait ni goût ni grâce dans cet accoutrement de deuil qu'elle avait revêtu selon la coutume qui condamne les femmes. Mais Lady Ongar, bien que veuve, elle aussi, était mise avec une merveilleuse élégance qui faisait ressortir toute sa beauté. Florence, pendant qu'elle la regardait en silence, s'avouait que Lady Ongar était la femme la plus belle qu'elle eût encore vue. Ce n'était pourtant pas le genre de beauté qui, à son avis, eût dû séduire Harry Clavering. Sa taille, son buste et sa tête avaient une certaine majesté. La douceur et la grâce féminine étaient ce que Harry Clavering préférait. Mais Florence ne songeait pas que la Julie Brabazon, d'il y avait 3 ans, avait été différente de la Lady Ongar qu'elle avait alors devant elle. Au bout de quelques minutes, Lady Ongar se rapprocha de Florence et poussa vers elle son fauteuil, comme si elle eût fait la chose du monde la plus naturelle. Florence sentit son cœur battre violemment, mais elle fit un effort pour se contenir. « Vous êtes déjà venu à Clavering une autre fois, » lui dit Lady Ongar. « J'ai su que vous aviez dîné avec mon beau-frère. » Comme cette mort était terrible et soudaine. « C'est bien vrai, » dit Florence. « Et les deux frères à la fois. » « Vous aviez vu le capitaine Clavering ?»« Oui, je l'ai vu quand j'ai dîné ici. Le pauvre garçon. » Il est étrange qu'ils aient péri et que leur ami, M. Stuart, ait été sauvé. On dit pourtant qu'il a fait tout son possible pour les arracher au danger. Cela n'est pas douteux. Quel regret il doit éprouver maintenant. Les hommes ne pensent pas à ces choses autant que nous. Ils ont tant d'autres sujets pour occuper leur esprit. N'est-ce pas votre avis? Florence ne savait trop que dire là-dessus. Elle tomba d'accord avec Lady Ongar qui ajouta « Mais je crois qu'après tout, les hommes sont plus justes et plus sincères que nous, bien qu'ils aient le cœur moins tendre. Mais à quoi bon causer de toutes ces choses-là maintenant? Laissons donc ce sujet pour le moment. Vous connaissez cette résidence, n'est-ce pas? Je veux dire, la maison et le jardin? Pas très bien, répondit Florence, qui se mit à trembler de nouveau. Eh bien, venez faire un tour avec moi. Je vous ferai voir le jardin. J'ai laissé mon chapeau et mon manteau dans le vestibule. Florence se leva pour la suivre. « Miss Burton et moi, dit Julie, nous sortons pour quelques instants. Nous ne resterons pas longtemps. »« Nous ne sommes pas pressés, dit Mrs. Clavering. » Et Florence, emmenée dehors, se trouva seule avec sa rivale, désormais vaincue. « Il n'y a pas grand-chose à vous faire voir, dit Lady Ongar. Mais cette résidence doit vous offrir plus d'intérêt qu'à personne d'autre. Et si vous y prenez goût, il vous sera facile de l'embellir. »« J'aime beaucoup à cultiver un jardin, dit Florence. » Je ne sais trop si je partage votre goût. Si j'étais seul, je ne trouverais aucun charme dans la plus jolie résidence de toute l'Angleterre. Seul, je ne me soucierais pas d'habiter les Champs-Élysées. Je suis un caméléon et je prends la couleur de ceux avec qui je passe ma vie. Je n'attends rien de bien brillant pour l'avenir. Mais laissons cela. Vous voyez que le parc a de beaux arbres, la seule chose qu'on ne puisse pas commander. Quand on a des arbres, avec du coup et de l'argent, on peut faire très promptement le reste et je suis sûr que vous réussirez. Tenez, Miss Burton, je vous ai amené ici pour vous faire voir cet endroit-ci et vous faire ma confession, sauf à obtenir en échange un mot de confiance de votre part si vous voulez bien. Florence se mit à trembler de plus belle. Vous connaissez mon histoire, continua Julie. Je veux dire mon histoire avec Harry Clavering. Je crois la connaître. Je suis sûr que vous la connaissez. Il me l'a dit. Et ce qu'il dit est toujours la vérité. Ce fut là, dans cet endroit même, que je lui rendis sa parole et que je renonçai à son amour parce qu'il était trop pauvre. Il y a de cela à peine 2 ans. Maintenant, il n'est plus pauvre. Maintenant, si je lui fusse resté fidèle, un mariage avec lui eût été, même au point de vue de l'intérêt, tout ce qu'une femme peut souhaiter. J'ai renoncé au cœur le meilleur, au caractère le plus aimable, à l'homme le plus loyal que... Il m'a raconté cette séparation, dit Florence. J'en étais sûr. Maintenant, Miss Burton, si vous voulez me permettre d'ajouter un mot, je vous dirai qu'il ne faut pas avoir mauvaise opinion de lui à cause de ce qui s'est passé dernièrement. Je n'ai jamais eu mauvaise opinion de lui, dit Florence avec orgueil. Voilà qui est bien. Vous n'êtes pas capable d'avoir une mauvaise opinion de qui que ce soit, et encore moins de celui que vous aimez. Quand il m'a revu libre, et quand je l'ai revu, le croyant libre aussi, le souvenir du passé s'est réveillé en nous. Y avait-il là rien d'étonnant? Mais la faute, si faute il y a, en est tout entière de mon côté. Je n'ai jamais dit qu'il eut personne à blâmer. Sans doute, Miss Burton, mais d'autres l'ont dit. Peut-être ai-je tort de vous parler ainsi, mais je ne vous ai pas encore dit ce que je voulais vous dire. Voilà ce que c'est. C'est que je ne vous en veux pas de votre bonheur. Je l'aurais voulu pour moi, mais je ne l'ai pas obtenu. J'aurais pu le posséder, mais j'ai perdu toute espèce de droit. Tout cela est passé maintenant, et je prierai le ciel de vous conserver longtemps ce bonheur. Vous ne refuserez pas mes félicitations. Assurément non. Et vous consentirez à me regarder comme l'ami de votre mari? Très certainement. Eh bien, cela suffit. Je vous ai fait voir les jardins. Maintenant, nous pouvons rentrer. Un jour, peut-être, quand vous serez ici souveraine et maîtresse, et que vos enfants courront à travers les allées, je pourrai revenir ici pour les voir, si vous et lui vous consentiez à me recevoir. J'espère que vous viendrez, Lady Ongar, je vous en prie même. C'est singulier. Je lui ai dit un jour que je ne viendrai plus jamais à Clavering, si ce n'était pour voir sa femme. C'était longtemps avant la mort des deux frères, et avant que j'eusse entendu parler de vous. C'était peu après la mort de mon mari. Mais ma prédiction ne s'est pas exactement vérifiée, car vous me voyez ici, et il n'est pas encore marié. Eh bien, nous allons rentrer. Je vous ai fait voir toutes les curiosités du jardin, et raconté tout ce que je sais de son histoire. Sans doute on pourrait ajouter bien des détails, si l'on fouillait dans la vie privée des Clavering pendant ces 100 dernières années. J'espère, Miss Burton, que votre histoire à vous sera un tissu d'heureuses aventures et de joyeux événements. » Puis elle l'a pris par la main, la tira sur son sein et la baisa au front. « Vous allez croire que je suis insensé, lui dit-elle, mais cela m'est bien égal. » Florence, inondée de larmes, ne put rien répondre, mais elle lui serra tendrement la main et rentra avec elle dans la maison. Les trois dames du presbytère prirent leur congé des deux sœurs et retournèrent chez elles.